ma sœur est mariée. Avec mon beau-frère. Ah, puis elle a fait un beau mariage. Ah, sans ça, elle ne serait pas mariée. Elle a même fait deux fois un beau mariage. Parce qu'il a une très très belle situation. Ah, oui. Mon beau-frère. Il est inspecteur des platanes. À la mairie. Il n'y a pas de quoi se marier. Dans toutes les mairies de France, il y a des inspecteurs des platanes. C'est écrit sur leur carte d'identité. Profession, inspecteur des platanes. Alors toute la journée, ils se promènent dans les rues, puis ils inspectent. Quoi, les platanes? Alors, sitôt qu'il y a un platane qui penche un peu, ils écrivent « Un platane penche ». Faut le faire! Il était même très, très consciencieux, mon beau-frère, très, très consciencieux. Je me souviens une fois, je vous assure que c'est vrai, une fois, ben, il y avait un platane qui penchait tellement, il dit « Va tomber, t'embrattis pas ». Deux jours, deux nuits, il est resté noir, le platane. Et le platane, il est tombé. Sur mon beau-frère. Ça lui a écrasé toute la jambe, affreux. On lui a coupé la jambe. Et puis, on lui a fait faire une jambe de bois. On l'a fait dans le bois du platane qui était...